Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, 51e épisode. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 5 novembre 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es sorte et griffe, tu es litière et gouttière, tu es siamois ou angora, tu es potron miné, tu es gros matou vautré sur le canapé et tu es aussi... On vous a dit que j'étais la présidente de l'association Le Chat Mon Ami. Eh bien, je suis la présidente de l'association Le Chat Mon Ami. À ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le monde perd son chat. C'est affreux. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es chat, tu es minou minou. Alors, demain, tu découvriras le lauréat du prestigieux prix Goncourt. Mais sais-tu, l'ami, que dans quelques jours sera également décerné le Goncourt des animaux ? Si, si, ça existe. C'est un prix littéraire qui récompense une œuvre dans laquelle l'animal est mis en valeur. Cette année, quelle bestiole sera donc couronnée ? Un yak, un zébu ou, plus probablement, un chat ? Alors, à l'heure où le Goncourt des animaux déchaîne les passions, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de soutenir son favori, le chat. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de ton chat ou de ta chatte, bien sûr. Pour commencer, du matou momifié au chat dans l'espace, il faut te raconter cette cohabitation intéressée du chat avec l'homme. Ensuite, nous essaierons d'imaginer ce que peut être la vie d'un chat. On enchaînera justement sur une petite surprise d'Alain Chabat qui viendra nous parler d'une activité féline souvent méconnue des hommes. Et puis, dans la foulée, comme chacun sait, nous sommes tous un peu chats, mais nous te révélerons que certains d'entre nous le sont devenus totalement. Et enfin, te raconter comment le week-end dernier, Monique et Jean-Claude ont dû apprendre à vivre avec un petit minou, celui de la voisine. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et ronronne sur la piste. We remembered Zion. Rivers of Babylon, c'est le tube chatoyant des Boney M en 1978, parce que Babylone a longtemps été la capitale de la Mésopotamie, cette région fertile où coule l'Euphrate et bien sûr le Tigre, un fleuve certes, mais aussi un gros félin cousin de notre mignon Minou. Alors cette semaine, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à cet animal miaulant et ronronnant qui vient se frotter contre tes jambes en réclamant des caresses, à savoir le chat. Le chat fait partie des premières bestioles à avoir été domestiquées, une domestication qui date de l'invention de l'agriculture et donc du stockage des grains, une domestication nécessaire car... Quand le chat n'est pas là, les souris et les rats dansent à petits pas. Dès l'origine, les relations qu'entretiennent les hommes et les chats sont marquées du sceau de l'utilité. Ainsi, le matou chasse les nuisibles comme les souris, les rats ou les mulots. Dans l'Antiquité, l'image du chat est positive, à tel point que les Égyptiens, jamais en reste pour gonfler leur panthéon, en font une déesse appelée Bastet. Les Romains de l'Antiquité, eux aussi, aimaient beaucoup les minous, une passion qui perdure toujours aujourd'hui à Rome d'ailleurs. Mais l'Antiquité passée, la situation des matous se dégrade. Au Moyen-Âge, le chat, animal nocturne, indépendant et mystérieux, est associé au malheur, à la sorcellerie et au malin. Alors, hors des granges et des moulins, le chat est pourchassé. Au Moyen-Âge, le mot d'ordre est clair. En cas de gros minet, brisez la glace. Ouf, que tu parles vilain, gros minet ! Eh oui, le Moyen-Âge n'est pas la période faste pour les vilains gros minets. Et il faut attendre le 19e siècle avec le romantisme pour que ressurgisse une image positive des matous. En effet, à partir de cette époque, l'image d'un animal mystérieux et indépendant n'est plus répulsive, mais fascine. D'Edgar Poe à Colette, en passant par Baudelaire ou Léoto, le chat est le compagnon des artistes. Il est aussi le partenaire choyé des médecins expérimentaux qui l'utilisent comme cobaye. Expérience. Comme tout le monde le sait, les chats authentiquement bretons sont les seuls chats au monde qui transpirent. Si nous arrivons à démontrer que les chats de Nantes transpirent, nous aurons par là même prouvé au monde stupéfait par tant de rigueur scientifique que les chats de Nantes sont bretons. Or, si leurs chats sont bretons, les nantaises aussi, ou alors il y a de quoi se flinguer. Donc prenons un chat nantais, que nous appellerons A pour plus de commodité. Gavons-le de 2 ou 3 litres de White Spirit, car si ce chat gavé d'essence explose près d'une flamme, cela prouve bien qu'il transpire, non ? Et s'il transpire, c'est QFD, c'est qu'il s'agit bien d'un chat breton, car seuls les chats véritablement bretons sont poreux, comme le souligne magnifiquement le magnifique hymne de la Bretagne libre. Ils ont des chats poreux, vive la Bretagne ! Ils ont des chats poreux, c'est QFD. Et oui, avec le progrès de la chimie et la mise au point des raticides, le chat connaît une sorte de chômage technique. Alors, il lui faut trouver d'autres utilités. Et les plus forts dans la lutte contre le chômage, c'est bien entendu les Américains. Explication dans ce flash inter du 11 septembre 2001. Attention à 13h. La CIA vient de rendre public certains de ses projets secrets du temps de la guerre froide. Et parmi ces quelques 40 documents figure le dossier Acoustic Kitty, traduction approximative, le minou acoustique. Figurez-vous que l'agence de renseignement américaine avait commencé dans les années 60 à lobotomiser des chats pour leur implanter des antennes et les transformer en espions. Le projet a finalement été abandonné, Laurence Simon. Oui, la CIA a dû déclassifier des documents qui sont souvent censurés et qui révèlent notamment que l'agence s'est livrée à des expériences sur des chats qui sont par excellence des sujets récalcitrants au dressage pour qu'ils s'introduisent dans les lignes ennemies et qu'ils les espionnent. Le projet donc était intitulé Matou Acoustique. Il consistait à lobotomiser des chats dans le cerveau desquels on introduisait un micro, on le greffait, la queue servant d'antenne. Cette expérience a commencé en 1907, elle s'est révélée aussi atroce qu'inefficace.

Cette maison est en vente, comme vous le savez, je suis, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures, finis tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, la laisse tranquille ton frère, les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez, écoutez la musique. Est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? 4 murs et un toit, c'est ce que propose Benabar sur son album intitulé Reprise des négociations. 4 murs et un toit, en général, c'est l'espace vital d'un chat qui n'en demande d'ailleurs guère plus, cette feignasse. Alors justement, pour poursuivre notre péripétie féline, il est temps maintenant de nous intéresser quelques minutes à la vie quotidienne d'un gros matou. Oui mon ami, à quoi ressemblerait ta chaîne de vie si tu étais un chat ? Eh bien, contrairement aux idées reçues, être un chat n'est pas si simple. Franchement, t'aimerais toi qu'on t'appelle moustache, réglisse ou roudoudou? Non, c'est ridicule. Que dire ensuite de la vie nocturne des chats? C'est d'une tristesse. Et oui, ils sont tous gris, sans compter que, quand il dort, le chat, toutes les souris dansent et se foutent de lui en farandole. C'est insupportable. De la même manière, sait-on combien de pelles un chat doit rouler dans sa vie à n'importe qui, avec toutes ces langues qu'on lui donne sans cesse, sans lui demander son avis? C'est effarant. Que dire encore de tous ces sadiques qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie que d'avoir d'autres chats à fouetter? Du coup, c'est sûr, échaudé, le matou craint l'eau froide. C'est pourquoi ce matin, il faut prendre conscience de la difficulté d'être un chat. Il faut donc en prendre soin, le bichonner, et ce, dès son plus jeune âge. Votre chaton est plein de vie, et ça, Quiscasse l'a compris. C'est pour ça que Quiscasse chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais c'est plein de bonnes choses qu'on peut pas comprendre, nous, humains. Mais si on leur demandait aux chats, les chats, ils achèteraient Quiscasse. Ils se lèveraient sur leurs petites pattes, ils se bougeraient le cul et ils iraient acheter du Quiscasse. Au lieu de ça, les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Bon, c'est vrai qu'en général, le chat ne fait pas grand-chose non plus pour être aimé. Oui, c'est un branleur. Il passe sa vie à roupiller près de la cheminée. Quand il s'éveille, c'est pour faire ses griffes sur le canapé en velours de mémé. Et quand le chat s'accouple, tout l'immeuble pense que la famille du rez-de-chaussée est en train d'égorger ses mômes dans la cour. En pleine nuit, c'est l'horreur. Sans compter le nombre d'heures que le chat passe à mater la télévision aujourd'hui. Inter. Votre chat a-t-il regardé la télé hier soir? C'est la dernière question à la mode. La première publicité censée capter l'attention des 8 millions de chats français a en effet été diffusée hier soir à 20h45 sur TF1 et sur M6. Un spot de 40 secondes que la marque Whiskas a payé 4 millions de francs pour une semaine. Les couleurs ont été adaptées à la vision des félins et surtout, les sons comprennent des pépiments d'oiseaux, des cris de mulots, des brins de feuilles, tout ce qu'il faut pour que le chat tende l'oreille. Selon le fabricant qui a déjà testé cette publicité en Angleterre, ça marche sur 60% des chats qui sont devant la télé. Et surtout, car c'est le but évidemment, les ventes ont augmenté en Grande-Bretagne de 20%. Les propriétaires de chats se laisseraient donc séduire par ce nouvel argument. Et ben voilà qu'en plus, le chat est une taupe du capitalisme. Non seulement il ne fout rien à la maison, tel un pacha, et en plus il te dit « Tiens, achète-moi ce truc-là, j'aime bien ». Et surtout, ne t'avise pas de le contrarier, je te rappelle qu'être un chat, c'est être un félin. Robert est un matou qu'il faut pas qu'on emmerde. Lui, cherchez pas la merde, lui, cherchez pas des poux. C'est le roi de la castagne, c'est le dieu de la baston, et il te troue le veston quand la colère le gagne. Tous les chats du quartier se prosternent à ses pieds. Ou tu me donnes ta pâtée, ou je te fous une raclée. Eh oui, être un chat, c'est être ingrat. Tu l'héberges dans ton lit, tu le nourris selon sa volonté, tu le chéris, tu lui achètes des quick-quick en plastique, mais lui, il fait ce qui lui plaît. Par exemple, sans te prévenir, il arrive bien souvent que ton chat décide d'aller faire un tour. Il disparaît, toi, tu t'inquiètes, et voilà que le lendemain... La voilà. Tu l'as vu retourner la pomponnette? Dis, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon, dit, il s'est fait un mauvais sang de fesses depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant de clair de lune. Donc, ton chat revient à la maison, toi, tu lui passes un savon, mais il s'en fout complètement. Il passe devant toi, il te méprise et retourne se vautrer sur son coussin pour roupiller. S'il pouvait parler, voilà sans doute ce qu'il te dirait à ce moment-là. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi. Ben voyons, insolent va. C'est sûr qu'il est peinard le chat. C'est lui qui décide de tout. Quand un môme ne lui revient pas, il lui griffe la face et on accusera l'enfant de lui avoir tiré la queue. Pauvre bête. Quand monsieur le chat veut se faire dorloter, c'est lui qui vient ronronner à tes pieds. En général, c'est lorsque toi, justement, tu aimerais avoir la paix. Sale bête. Bref, ce qu'il manque au chat pour qu'il arrête de se la jouer, là, c'est un prédateur. Mais voilà, malheureusement, le chat n'a pas réellement de prédateur. Encore que, faudrait qu'il fasse gaffe, le chat. On mange un morceau et puis après, on devient copain. Mais quel genre de morceau? Ah, vous avez un chat. Vous mangez des chats? Tu vas pas manger notre chat? Non, on ne mange pas de chat ici. Ah bon, bah très bien. Alors des aliments pour chat. J'appellerai ça un encre. Tu viens, Alf? Ah oui, c'est parfait. Il est rapide, hein? Ah, faut le reconnaître. Alors, maintenant qu'on a beaucoup vilipendé le matou, il n'en demeure pas moins que le chat possède malgré tout une compétence incroyable, souvent trop ignorée des hommes. En effet, dans un domaine très particulier, le chat pourrait soulager considérablement certaines tâches ménagères. Oui, c'est ce que vont te raconter Alain, Chabat et les nuls, juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. La propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement, c'est ça. Écoutez, vous allez entendre quelque chose d'assez incroyable. Parce que le chat-machine est sans phosphate. Bon, ok, et donc il parle, etc. Des travaux scientifiques réalisés en France, attendez, c'est pas là. Ont identifié le problème écologique. Attention, écoutez là. Vous pouvez faire confiance à le chat-machine sans phosphate. C'est dingue, le non machine, hein la propreté, vous avez pas entendu? Bon, ok, je vous le repasse, un petit coup en arrière. Je vais faire revenir en accéléré, en replay. Et depuis des années... Attention, avec son beau costume, là, regardez sa mise en pli, qui pourrait croire, et d'un seul coup, écoutez bien... Le problème écologique lié au phosphate et lessive. Vous pouvez faire confiance à le chat-machine sans phosphate. Oh, chat-machine, pas à le chat-machine. Vous pouvez faire confiance à le chat-machine. Vous rendez compte, même à la télé, même dans la publicité, prennent des gens qui font des fautes d'orthographe et après on s'étonne que les jeunes foutent plus rien. Regardez, la preuve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ça, c'est la rédaction de mon fils. Il a 7 ans. Écoutez, il a dit. Il n'y avait plus de souris dans la maison car mes parents avaient fait confiance à le chat qui les a toutes mangées. Voilà, alors dans la marge, évidemment, la maîtresse a écrit mal dit, attention à la grammaire. Résultat, il a eu 9 sur 20, même pas la moyenne. Et dans 6 ans, il y a le BEPS. Il l'aura pas, c'est sûr. Quand je pense que ma femme et moi, on s'est saigné aux 80 pour qu'il fasse des études et que nous, on n'a même pas eu la chance de les faire, ces études. Le chat-machine, la propreté éclatante et une contribution à la protection de l'environnement. S'il pouvait protéger la langue française, en plus, ça nous arrangerait. So we are astray, there's nothing else to do. In another place, I see a different you. Different. I see a different you, chante cet automne le groupe suédois Coupe. I see a different you, je te vois différemment. C'est sans doute ce que doit se dire un chat la nuit quand sa pupille d'agate se dilate. Alors pour prolonger notre aventure sur le long des gouttières en compagnie des greffiers, il est temps maintenant de reconnaître que chacun d'entre nous est un peu chat au fond de lui-même. Cela dit, il arrive même parfois que certaines personnes poussent l'identification féline jusqu'à devenir d'authentiques matous. Kezako, me diras-tu. Eh bien, nous allons te démontrer ce matin que certains contextes peuvent conduire certaines femmes et certains hommes à changer profondément de nature. Pour commencer, lorsque Charles de Gaulle quitte le pouvoir en 1946, il va se réfugier à Colombey-les-Deux-Églises pour ce qu'on appelle traditionnellement sa traversée du désert. À l'époque, il emporte avec lui son épouse, Yvonne, et ses chats, des chartreux. Après de longues semaines passées à aiguiser ses griffes et à glander devant la cheminée avec les chartreux, on raconte que certains soirs, le grand Charles se transformait en chat lorsqu'il s'adressait à tante Yvonne. Mon petit chat, j'aime la façon dont tu me regardes. Quand sur moi tes yeux s'attardent, j'aime ta façon de faire ça. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi ? Mon petit chat, mon cœur fait des cabrioles. Quand tu me dis des choses folles, quand tu les dis comme ça. Comme ça, toujours comme ça. Oui, oui, oui, oui, oui, jour et nuit. Tu me dis mille folies. Mon petit chat. Mon petit chat. Comme quoi, tante Yvonne savait très bien minauder. Ensuite, durant les années 60, la famille Giscard, elle, se préparait tranquillement à l'accession au pouvoir. Comme papa Giscard était très occupé par ses affaires, c'est maman Giscard, Anémone, qui a élevé les quatre enfants comme une portée de chatons. Les aristochats ne jouent pas à se mordre, à se griffer et autres gestes violents. Quelle horreur! Mais un de ces jours, on pourrait rencontrer un chat de gouttière. Allons, cela suffit. C'est l'heure maintenant de vous consacrer au perfectionnement de votre éducation. Vous tenez, n'est-ce pas, à devenir de charmants hommes et femmes du monde. Alors, Toulouse, allez reprendre vos couleurs et votre palais. Oui, maman. Et puis, sont arrivées les années 70. Et là, c'est Valéry Giscard d'Estaing lui-même, une fois au pouvoir, qui est devenu chat. Surtout lorsqu'il rencontrait Bokassa, d'ailleurs. Mais visiblement, en 1979, VGE s'inquiétait auprès du gros matou Poniatowski d'une certaine concurrence. Ce qui est étrange, c'est que le voleur emploie ma méthode à la perfection. Ce doit être un type au courant de tous les détails de ma technique. Il repère exactement ses victimes, celles qui ont des pierres de valeur. Il monte sur le toit et descend par les lucarnes. Et il disparaît sans laisser d'empreinte. Toi, tu es nerveux comme un chat. Eh oui. En 1979, il y avait de quoi être nerveux quand on était chat. Surtout quand tu vivais en Iran et que le 16 janvier, Khomeini s'apprête à te châtrer. Là, forcément, pour le chat d'Iran, la vie ne fut pas simple à Téhéran. Même mes amis me crient « Ta gueule, chat, ta gueule, chat, ta gueule, chat ». C'est dur d'être un chat dans cette putain de ville. Si dur d'être un chat dans cette putain de ville. Et que dire alors maintenant des années 80? Dans l'est de la France, à Lépanges-sur-Vologne, certains avancent une étrange théorie selon laquelle le soir du 16 octobre 1984, l'assassin du petit Grégory se serait lui aussi transformé en un redoutable matou. Alors, tu l'as eu cette fois, n'est-ce pas, gros méné? Oui, oui. Tu t'es débarrassé de cette petite créature sans défense qui menaçait notre société, n'est-ce pas? Oui, oui. Il a fallu que tu commettes un meurtre. Un meurtre? Mais c'est nous! Ridicule! Un meurtre! Bien sûr, il y a une chance pour que personne n'arrive à découvrir qui a commis cet horrible crime. Tu as échappé à la justice, n'est-ce pas? Oui. Je suis sûr que tu aimerais échapper aussi facilement à ta conscience. Ah, la conscience, la conscience. La mort de Tizi pose pas de problème. Cela dit, il arrive aussi parfois que certains individus quittent leur instinct félin pour redevenir des êtres humains. Ce fut le cas dans les années 90. D'ailleurs, Michèle Alliot-Marie, par exemple, ne s'en cache pas aujourd'hui. Elle en parle avec une certaine nostalgie. Je n'ai pas toujours été femme, et bien souvent je me souviens des sarabandes infernales quand j'étais sexe masculin. L'amour faisait tourner nos têtes, et nous devions risquer nos vies pour faire l'amour aux femelles là-haut sur les toits de Paris. Lorsque j'étais chat de gouttière, mère. Du coup, on comprend mieux le côté caserne de Mam. Alors, le passé, d'accord, mais qui sont les chats d'aujourd'hui, me diras-tu? Eh bien, souviens-toi, lorsqu'il y a 2 ans, par exemple, Jean-Pierre Pernaut tentait de récupérer sa chatte, prisonnière des griffes d'un gros matou, ne s'est-il pas transformé lui aussi en chat? C'est pas normal qu'une chatte se fâche, parce qu'on lui grille les moustaches. Reviens joli, minou, je te donnerai plus. Sans arrêt, si tu reviens, on fera ta fête. Nathalie Marquet fut convaincue par le gros poisson sans arête pour lui faire sa fête. Cette pauvre petite chatte rentra donc à la maison. Et puis, plus récemment, demande donc à Dominique de Villepin, l'angora, là, quand il croise Nicolas Sarkozy et sa bande, s'il n'a pas le sentiment de croiser des chats sauvages. Tu marches sur nos plates-bandes, minou. On est des chats de gouttière, pas des mignons minets à sa mémère. T'es sur notre territoire, alors fais pas d'histoire. Tu tires ou de ta peau, je donne pas cher. Je veux que les choses soient bien claires. Nous, c'est comme ça qu'on est. Et on veut le rester. Ok. Une baston de chat, c'est toujours impressionnant, surtout à droite. Mais bon, la gauche non plus n'est pas en reste en matière de chat. Ségolène Royal, par exemple, a entrepris une transformation quasi mystique et féline depuis qu'elle a fait ce rêve curieux il y a quelques mois. Les femmes chats ne sont pas concernées par les règles de la société. Vous suivez vos propres désirs. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous serez souvent seul et personne ne vous comprendra. Mais vous allez connaître une liberté que les autres femmes n'auront jamais. Vous êtes une femme chat. Chaque odeur, chaque image, chaque son, incroyablement intensifié. Indépendance farouche, totale confiance en soi, réflexe non humain. Vous êtes Catwoman. D'où les bottes en cuir et les coups de fouet sur le Parti Socialiste. Et enfin, pour finir, il y a tous ceux qui rêveraient aujourd'hui d'exprimer leur instinct félin, mais qui n'y arrivent pas malgré tous leurs efforts, comme François Hollande. Moi vouloir être un chat, me frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Mais bon, que François Hollande se rassure, car son frère siamois, le vieux matou Jospin, sait que quand on a des ennuis et qu'on n'endort pas la nuit, pour oublier tout ça, il connaît des endroits où, avec des copains, ils mettent de l'ambiance et quand ces chats-là sont là, toutes les souris dansent. Oui, tu as des ennuis, tu ne dors pas la nuit. Pour oublier tout ça, je connais un endroit. Avec les copains, on y met de l'ambiance. Quand les chats sont là, toutes les souris dansent. Allez, danse, mère de twist. Bah, bah, danse, mère de twist. Bah, bah, danse, mère de twist. Ou de bas. Ou bien du rock'n'roll, well, I dance, dance, dance, well, dance, dance, dance, well, I dance, dance, dance, well, I dance, dance, dance, well, I dance, well, I dance to the rock'n'roll. Now I gotta get off, make a move. En veux-tu, en voilà. À la plus gentille, t'offre un Coca-Cola. Car vous aurez soif pour ça, fais-nous confiance. Quand les chats sont là, toutes les souris dansent. Allez, danse un air de twist. Bah, bah, danse un air de twist. Bah, bah, danse un air de twist ou de bah. Ou bien de rock'n'roll. Well, I dance, dance, dance, well. Dance, dance, dance, well. I dance, dance, dance. Well, I dance, dance, dance. Well, I dance. Well, I dance to the rock and roll, yeah. Yeah. Well, danse un air de twist, bah, bah, danse un air de twist, bah, bah, danse un air de twist, bah, bah, danse un air de twist, bah, bah. Danse un air de twist ou de bas, ou bien de rock and roll. Well, I dance, dance, dance, well. Dance, dance, dance, ah. Dance, dance, dance. Well, I dance, dance, dance. Well, I dance. Well, I dance to the rock and roll. Quand les chats sont là, Minot dans 1962, les chats sauvages menés par le Mistigri Dick Rivers, parce que quand les chats sont là, ce ne sont pas les souris mais les minettes qui dansent. Alors pour poursuivre notre exploration de l'univers mystérieux des félins domestiques, il est temps maintenant de retrouver nos deux héros ronronnants, la chatoyante Monique et le minet Jean-Claude, qui ont passé le week-end dernier en compagnie d'un matou squatter. En effet, samedi soir dernier, alors qu'il s'apprêtait à mater le téléfilm de France 3 sur l'affaire Grégory, un thalassa en eau douce, Monique et Jean-Claude ont été dérangés par la voisine. Devant partir en week-end, elle leur a demandé s'ils voulaient bien garder son chat. Jean-Claude lui opposa un refus catégorique, ce qui ne manqua pas de surprendre la voisine. Non mais moi j'ai bien arrosé tes plantes, t'as pas que pendant 15 jours, je vois pas pourquoi tu garderais pas mon chat. On n'est pas mariés. Mais tu peux vraiment pas garder Grégory? Non. Putain, t'as qu'à le balancer sur le bord de l'autoroute comme tout le monde. Moi, j'espère que tu rigoles. Non, pourquoi? C'est pas un drame, hein. Tu fous dans un sac en plastique, tu fermes bien. Eh oui, Jean-Claude a une solution à tout. Bon, d'accord, la Toussaint, ce n'est pas la meilleure saison pour abandonner son chat. Et Jean-Claude sait bien que le mieux, c'est... À la miaou, c'est tellement plus romantique. À la miaou, on fera les 400 coups. À la miaou, tous les cœurs sont en pique-nique. À la miaou, les filles n'ont pas peur du loup. La voisine est à la fois désespérée et surtout horrifiée. C'est alors qu'arrive Monique, qui la rassure immédiatement. Mais non, Jean-Claude la taquine, bien sûr qu'ils vont garder le chat. Monique prend alors le doux matou tout noir dans ses bras. Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux. Retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique. Oh, Monique, ça suffit. Jean-Claude est déjà obligé de supporter le chat, ce n'est pas pour se taper en plus un poème. La voisine repart donc sans son chat. Monique et Jean-Claude, quant à eux, retournent devant la télé. Le chat s'installe peinard sur les genoux de Monique. Pour Jean-Claude, le mieux serait de le foutre à la cave pour qu'il chasse la souris qui s'y est installée. Parce que, d'après Jean-Claude, ce chat-là, il est beaucoup trop gâté. Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les babines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Monique refuse que ce chat si câlin quitte ses genoux. Jean-Claude n'insiste pas, car il a remarqué que le matou lui lance, de ses yeux sataniques, un regard noir qui glace le sang. La seule chose qui console Jean-Claude de la présence du chat, c'est que dorénavant, il pourra dire dans tout le quartier... J'ai touché la chatte de la voisine. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. La touché, la touché, la touché, la touché, la touché. Il est tard maintenant. Monique s'est endormie sur le canapé en regardant Ruquier, le chat toujours installé sur les genoux. Quand tout à coup, à minuit pile, le chat noir pousse un cri monstrueux. Monique se réveille en sursaut et demande à Jean-Claude ce qu'il a encore fait. Authentiquement innocent, Jean-Claude tente de se défendre. C'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. C'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. Ouais, c'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. Hey, c'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. Monique n'y croit pas trop. Le chat n'a pas feulé sans raison. Jean-Claude, lui, se méfie de plus en plus de l'animal mystérieux. Méfiant, nos deux héros décident alors d'aller se coucher. Mais Jean-Claude, en enfermant le chat dans la cuisine, dit à l'animal que... Je vais être content quand tu seras là, vieille canaille. Je vais être content quand tu seras mort, vieille canaille. Tu ne perds rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Je vais être content d'avoir ta peau, vieux chameau. Après ces menaces, Jean-Claude va se coucher. Il réussit difficilement à trouver le sommeil, se réveillant sans cesse. Quelque chose ne va pas depuis l'arrivée du chat. Et en effet, c'est là, dans la nuit, que pour Jean-Claude, tout a basculé. Vers 4 heures du mat, comme il est glouton, Jean-Claude se relève pour aller piller le réfrigérateur. Mais dans la cuisine, le chat est assis, juste devant la porte du frigo, et il regarde Jean-Claude fixement. Au moment où Jean-Claude s'apprête à le pousser, le chat résiste. Face à ce cri terrible, Jean-Claude en oublie sa faim et retourne en courant se coucher. En se jetant dans le lit, alors qu'il n'a même pas pillé le frigo, Jean-Claude réveille Monique qui lui demande ce qui se passe. Encore dans l'émotion, Jean-Claude lui répond que... Un chat qui miaule, je vous jure, ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance, telle une démence, troublant le silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est presque un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous tordrait le cœur, on a peur. Et Jean-Claude, qui a eu très peur, se rendort la tête sous les draps. Le lendemain, le dimanche donc, vers 11h, Jean-Claude se réveille pour écouter sa radio préférée. Soudain, Monique arrive affolée dans la chambre, le chat a disparu. Jean-Claude ne peut s'empêcher d'ironiser. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père du sucru qui lui a répondu. Allez la mère Michel, votre chat n'est pas perdu. Sur l'air du tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la compte dans quelle situation ils sont. La voisine leur a fait confiance et voilà qu'ils ont perdu son chat. Monique charge donc Jean-Claude de retrouver la bête. C'est alors que Jean-Claude part dans la rue à sa recherche. Il revient quelques minutes plus tard, la mine défaite. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures. Monique est furieuse. Elle a bien compris que Jean-Claude ne voulait pas du chat. C'est sûr, c'est lui qui l'a tué. Mais Jean-Claude se défend d'une telle calomnie. Et il le dit, Jean-Claude, qu'il ne faut pas croire les rumeurs. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat. Ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié. Ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Mais alors qu'il est en train de se défendre d'avoir tué le chat, Jean-Claude sent sur ses jambes une caresse féline. Incroyable ! C'est le chat de la voisine qui est revenu. Jean-Claude est stupéfait. Il est pourtant certain d'avoir vu le petit chat mort tomber du toit. Fin de l'histoire. Terrifié par le chat et dans l'attente de son départ, Jean-Claude décide alors d'aller lui-même dans la cave y chasser la souris. Bonjour, je m'appelle Minnie. Minnie, petite souris, je vais te donner fait du gâteau. Viens voir petite souris, comme il est bon, comme il est gros. Oh, oui. Je l'ai gardé pour toi, il y a de la crème un peu partout. Avec du chocolat, petite souris, sort de ton trou. On dit, lâche d'abord le marteau qui est caché derrière ton dos et je te vois venir. Mini petite souris, je t'ai gardé un croque-monsieur. Viens voir petite souris, y'a du jambon, c'est délicieux. Et le marteau n'était destiné qu'à planter un clou. Viens donc te régaler, petite souris, sort de ton trou. Eh, dis donc, eh, va d'abord mettre ailleurs le piège qui est à l'intérieur et au chaud. Mini petite souris, je n'ai que de bons sentiments. Viens voir petite souris, ce beau morceau de parmesan. Et pour le piège, crois-moi, je te jure, je n'étais pas dans le coup. Le parmesan est là, petite souris, sort de ton trou. Hé, hé, hé, alors lâche le matou que tu tiens par la peau du cou. Dis, hé, tu veux me faire croquer. Mini petite souris, puisque souvent tu bois mon vin. Viens voir petite souris, cette bonne bouteille de chambertin. Si j'avais pris le chat, c'était pour lui couper le cou. Viens trinquer avec moi, petite souris, sors de ton trou. Si tu veux boire un verre, t'as pas besoin d'un revolver et assassin. Mini petite souris, on est maintenant copain copain. J'ai un poulet rôti, tu peux sortir, tu ne crains rien. Le revolver, tu vois, c'est parce que j'ai peur des filous. Viens donc manger tout ça, petite souris, sors de ton trou. Oh, alors, si tu m'invites, pourquoi cette cartouche de dynamite, hein? Idiot, fais attention, tu vas faire sauter la maison. Attention. Mini petite souris, chantée en 1963 par le chaleureux Henri Salvador, parce que Mini la souris doit se méfier de Félix, Garfield, Hercule et de toute la bande des chats décidés. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration du monde, de ceux qui la nuit sont tous gris. Du minou à sa mémère au chat de gouttière, du chat maléfique de Jean-Claude au chat machine de Chabat et du chat d'Iran à la chatte de la voisine, nous t'avons dressé un panorama subjectif, bien sûr, de ce que peut être ton chat. Alors, en France aujourd'hui, le chat serait en passe de devenir l'animal favori des Français en concurrence directe avec le chien. D'ailleurs, près de la moitié des personnes qui possèdent un chat avouent dormir avec leur bestiole. C'est du propre. Le gris tigré, l'équivalent félin du corneau, demeure la préférence des Français. Mais bon, il y a d'autres choix de chats possibles. Il y a bien 36 sortes de chats. Des petits, des gros, des angoras. Chats de gouttière et chats siamois. Il n'y a qu'une télé, c'est téléchat. Chalut, téléchat. Alors, si les chats plaisent de plus en plus, c'est sans doute parce qu'ils prennent peu de place dans les appartements, qu'ils restent indépendants, mais aussi parce que leur doux ronronnement permettrait de réduire le stress, surtout quand l'amour s'en va. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Le doux run, run, run, le doux run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Le doux run, run, run, le doux run, run. Run, run, run, run, run, run.